toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107 FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi et avant de commencer cette toute nouvelle chronique, je tiens à vous réadresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020, pourvu qu'elle vous apporte richesse, joie, bonne humeur, tout ce que vous voulez, tant que cette année est bonne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre nouvelle chronique, l'histoire du catch. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé de différentes formes de catch dans différents pays au sens général. Aujourd'hui, nous allons parler des règles du catch car, oui, comme dans tous les sports, il y a des règles à respecter. Ceci sera donc la troisième partie et je vous souhaite une bonne écoute. Les règles d'un combat de catch sont utilisées pour légitimer la discipline face à la créativité des lutteurs. Si elles permettent de désigner un vainqueur, elles sont surtout là pour enrichir le déroulement d'un combat, l'arbitre faisant alors office de troisième participant. En sachant que, dans un combat de catch, l'arbitre est un complice des catcheurs ou des catcheuses de ce combat. Par exemple, si un catcheur subit une prise de soumission, il peut donner l'illusion au public qu'il va d'abord abandonner, puis attraper l'une des cordes pour provoquer la règle du « rope break », comme on dit en anglais et dans le monde du catch, et obliger l'arbitre à forcer son adversaire à casser la prise. Celui-ci a alors 5 secondes ou plus, tout dépend de la fédération, pour le faire sous peine de disqualification. Une des premières règles que nous allons aborder aujourd'hui est le compte de 3. C'est la technique de base pour obtenir la victoire. Aussi appelé le tombé ou pinfall en anglais, il consiste à river les épaules de son adversaire au ring pendant 3 secondes. Ce décompte est effectué par l'arbitre qui frappe le compte de la main sur le ring. Le compte de l'arbitre peut être interrompu lorsque le catcheur soumis décolle une épaule au sol avant le compte de 3, le plus souvent au compte de 2 ou quand il arrive à attraper une corde du ring. C'est ce qui est donc nommé « rope break ». Ou alors, le compte de 3 peut également être interrompu dans un match par équipe quand le partenaire de l'adversaire qui est en train de subir le tombé vient casser la prise, casser le tombé. La deuxième règle que nous allons aborder aujourd'hui est celle de l'abandon. Un lutteur pris dans une prise de soumission peut abandonner pour obtenir sa libération de la prise, mais il perdra le match. Pour marquer son abandon, il tapote, ou « tap out » en anglais, sur le ring, son adversaire ou fait signe à l'arbitre. Ou alors, il peut s'endormir sous la douleur. Il n'aura certes pas fait de tap-out, mais il aura perdu le match tout de même. Pour se dégager d'une prise de soumission sans abandonner le combat, un catcheur peut attraper une corde du ring, c'est ce qui sera donc le rope break. Ceci forcera l'attaquant à briser sa prise. Il peut également tenter de se dégager en frappant, projetant ou renversant sur l'adversaire ou la prise de soumission, lui faisant ainsi lâcher l'étau de la prise. La troisième règle que nous allons voir est celle du KO. Le KO, abréviation de knockout, peut être obtenu de deux manières différentes. La première manière, l'arbitre lève la main du catcheur puis la lâche. Le catcheur doit signaler sa conscience en maintenant sa main en l'air. Au bout de la troisième chute consécutive de la main sans que le catcheur ne soit parvenu à la maintenir tendue, l'arbitre le déclare KO. La deuxième manière, si un catcheur reste au sol sans se relever, l'arbitre lance un compte de 10, similaire à la boxe. En cas d'incapacité du lutteur à revenir à lui dans ces 10 secondes, le combat est terminé sur un KO. La quatrième règle dont on va parler est celle du décompte extérieur. Il est possible de gagner sur un décompte extérieur ou count out en anglais. L'adversaire est resté trop longtemps en dehors du ring. En général, le temps que l'arbitre compte jusqu'à 10 ou 20 secondes dans le catch japonais. Si l'autre catcheur qui est resté sur le ring descend du ring, l'arbitre est obligé de reprendre le décompte depuis 0. Généralement, un match se finissant de la sorte ne peut voir une ceinture de championnat changer de main, même si le challenger a remporté le match. En effet, malgré une victoire sur le papier, le vainqueur du match n'a techniquement pas vaincu son adversaire. C'est une règle qui n'est pas constante, mais qui revient très souvent. Un exemple classique d'usage du ring out est lorsqu'un catcheur incarnant un méchant ou un heel dans les fédérations américaines ou un rudo dans les fédérations mexicaines, détenant un titre de champion, perd volontairement son match en quittant le ring. Il conserve ainsi son titre en s'attirant les foudres du public. Si les deux catcheurs sont tous deux hors du ring à la fin du décompte, l'arbitre déclare la fin du match par double décompte à l'extérieur ou double count out en anglais. C'est donc un match nul. Cette issue du match n'est que rarement utilisée, mais s'il y a un champion dans le match et que ce match est un match de championnat, si il y a double décompte à l'extérieur, la victoire est toujours à l'avantage du champion, donc le champion gardera sa ceinture. Sauf stipulation très particulière, mais c'est très très rare. La cinquième règle que nous allons voir est celle de la disqualification. Enfin, il est possible pour un catcheur de remporter son combat sur une disqualification de son adversaire. Le catcheur est disqualifié si il emploie une attaque interdite, illégale, s'il utilise un objet comme arme pour tricher, sauf pour les combats hardcore et sans disqualification où les catcheurs ont le droit d'utiliser des armes, si le catcheur agresse l'arbitre, S'il refuse d'exécuter un ordre de l'arbitre, habituellement, l'arbitre compte jusqu'à 5. Si le catcheur continue toujours, il est disqualifié. L'arbitre comptera jusqu'à 5 si le catcheur donne plusieurs coups sur un adversaire reposant contre le turnbuckle, le coin du ring ou alors allongé par terre. Et s'il refuse de lâcher une prise sur un rope break, s'il tire les cheveux, s'il mord l'adversaire, s'il met ses doigts dans les yeux de son adversaire plus d'une fois, s'il donne un coup bas à son adversaire sous les yeux de l'arbitre, s'il y a une interférence, c'est-à-dire si une personne non impliquée dans le match intervient en faveur des catcheurs, enfin en faveur d'un des catcheurs plutôt, celui-ci est disqualifié. Il existait, auparavant, une règle qui interdisait la projection de son adversaire par-dessus la troisième corde, qui est la corde, soit dans un ring de catch, qui est la corde supérieure, la corde la plus haute. Mais cette règle n'est cependant plus appliquée dans l'essentiel des structures de catch. La sixième règle que nous allons aborder tout de suite est celle du non déclaré ou no contest en anglais. Un match peut être non déclaré ou se terminer en no contest lorsqu'un événement ou une interférence n'impliquant pas les deux catcheurs empêche le match de se terminer. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gagnant. Les cas les plus habituels sont un lutteur qui se blesse de lui-même et non pas par une autre personne, et une personne ou plusieurs non engagés dans le combat interfèrent et décident d'attaquer les deux combattants. La prochaine règle que nous allons voir est celle de l'égalité, à ne pas confondre donc avec la règle du no contest. Il se peut qu'un match se termine par un match nul, donc sans déterminer de vainqueur. Les causes peuvent être les suivantes. Un double décompte extérieur, un double KO, donc un double décompte de 10 au sol, le match devient donc un match nul, un double abandon, un double décompte de 3, ou encore lorsqu'un catcheur abandonne en même temps que l'arbitre et finit le décompte de 3. Ces faits sont toutefois extrêmement rares. Un double tombé si, lors du décompte de 3 de l'arbitre, les deux catcheurs ont les épaules au sol. Par exemple, l'un des catcheurs maintient les épaules de l'autre au sol, en ayant ses propres épaules au sol sans même être couvert. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'arbitre, dans un match de catch, est également complice. C'est pour ça que vous verrez souvent l'arbitre se retourner et juste après, plusieurs catcheurs frappaient un seul et même catcheur. Et quand l'arbitre se retourne de nouveau, eh bien, les méchants, les heels, les rudos, font comme si rien ne s'était passé. C'est pour ça que l'arbitre, qui est censé être neutre sur le papier, n'est finalement pas si neutre que ça. Et pour terminer cette chronique, je vais terminer par un petit message de prévention. On ne le dira jamais assez, mais ne faites jamais ce que vous voyez sur le ring. Chez vous, à la maison ou n'importe où, à l'école, où que ce soit. Car ce que vous voyez à la télé, ou même en vrai, sont réalisés par des professionnels très très entraînés, qui savent comment encaisser les chocs, encaisser les chutes, et donc limiter les blessures, même si parfois ça arrive. Donc imaginez, si un catcheur très entraîné, un catcheur professionnel ou une catcheuse professionnelle se blesse parfois, imaginez-vous qui n'avez aucun entraînement, si vous faites ce que vous voyez à la télé, vous risquez d'être beaucoup plus souvent blessé, c'est même sûr, voire, malheureusement, pire qu'une blessure. Voilà, c'est ainsi que se termine cette troisième partie sur la crise du catch. Dans la prochaine partie que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons d'un ou de plusieurs styles de catch, si le temps nous le permet, que nous décrirons. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radiogamozo.eu. Et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gamozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore en venant nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Mirmont. Notre porte est toujours ouverte afin d'échanger avec vous. Nous serons donc bien sûr ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi je vous laisse ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.